107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Thomas. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, tout va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Thomas Wenimont, j'ai 35 ans et je suis brasseur et accessoirement président des Charmoiseries. Et justement, c'est quoi les Charmoiseries ? Alors, les Charmoiseries, c'est une petite association qui regroupe 6 membres, qui est basée à Charmont-l'Orgueilleux et qui a pour but de mettre en valeur le savoir-faire local et artisanal. Pourquoi ce nom, justement, les Charmoiseries ? Alors, Charmoiseries, ça vient de Charmont-l'Orgueilleux et en ayant fait un petit tour de table avec nos adhérents, on est tombé assez naturellement sur ce nom. Et depuis quand est-ce qu'elle existe, l'association ? Vous êtes combien actuellement ? Donc l'association, elle a été créée en 2018, elle comptait 6 membres, et aujourd'hui, on est en 2023, elle compte toujours 6 membres. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui travaillent avec vous dans l'association ? Alors oui, bien sûr. Donc il y a Sylvie et Clémence, qui sont respectivement secrétaire et vice-secrétaire. Il y a Pascal et il y a Pierre, qui sont trésorier et vice-trésorier. Je suis le président de l'association et il y a un nouveau membre qui n'a pas encore de tâches attitrées, qui s'appelle Vincent. Et combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents dans l'association ? Alors nous, on est les 6 adhérents, donc les membres du bureau, donc 6 personnes, et on doit avoir 6 personnes qui vous aident en tant que bénévoles, à peu près. Alors nous allons maintenant parler d'un événement qui s'appelle le marché de Noël au 15 août. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, bien sûr. Donc le marché de Noël au 15 août, comme son nom l'indique, c'est un marché de Noël qui se déroule le 15 août, c'est mardi prochain, donc qui se tient à Charmont-l'Orgueilleux de 10h à 18h. Voilà, avec 50 exposants qui font restauration sur place, buvette, tout pour passer une bonne journée. Et comment vous est venue l'idée de faire un tel événement ? Alors, ça nous est venu depuis le Covid, en fait. On a pu louper énormément de marchés de Noël. Et dès qu'on a pu un peu faire tomber les masques, on s'est dit que ce serait intéressant de recréer un marché de Noël. Et comme on n'avait pas forcément envie d'attendre la période froide, on s'est dit que le 15 août, ça se prêtait tout naturellement. Et puis du coup, en été, par rapport à l'hiver, au moins, il n'y aura pas de souci d'intempéries, à part l'orage. Normalement, il n'y a pas de souci d'intempéries. L'année dernière, on a quand même pris 2-3 petites belles rincées, mais voilà, ça n'a pas entamé du tout la bonne humeur qui est amenée sur place. Est-ce que ce sera la première édition du marché de Noël au 15 août ? Alors, ce ne sera pas la première édition, c'est la deuxième édition consécutive. Et donc, cette année, ce qu'on a rajouté par rapport à l'édition précédente, c'est l'élection du meilleur stand décoré sur le thème de Noël. Donc, il y a 45 stands qui vont y participer. Le stand des organisateurs n'y participe pas par souci d'impartialité. Et ce sont les gens qui vont venir visiter notre marché de Noël qui pourront voter. Donc, il y aura un dépouillement et il y aura un prix pour celui qui gagnera le trophée du stand le mieux décoré sur le thème de Noël. Et comment ça s'est passé l'année dernière ? Alors l'année dernière, première édition, on était très contents. On avait 40 exposants. Donc comme certains membres de l'association sont pas mal sur les marchés, ce sont des artisans eux aussi, vont essayer de regrouper en fait des savoir-faire qu'ils trouvent intéressants sur les différents marchés, là où on peut tous se côtoyer, pour les réunir en une seule et même place. Et l'année dernière, ça s'était très bien passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait une deuxième. Combien il y aura de participants cette année ? Alors cette année, il y a 50 exposants. Au total, qui sont réunis sur la place du village et un peu dans la cour de l'école de Charmont-l'Orgueilleux. Et comment est-ce que vous les avez contactés ? Alors, ils ont été contactés par les différents membres de l'association, qui sont artisans eux aussi, et qui, se déplaçant sur les différents marchés de la région, ont repéré certains talents pour les faire venir avec nous. Qu'est-ce qu'on pourra voir au marché de Noël au 15 août ? Alors, au marché de Noël, ce sera que des artisans qui peuvent réaliser, par exemple, des bijoux fantasy, des pliages origami sur le thème de Noël. Il y a un fabricant de glace, un fabricant de fromage, il y a de la céramique, il y a des perles, un peu de littérature, il y a de la buvette sur place, il y a un food truck, il y a aussi un producteur de viande qui fera des grillades directement, parce que même si c'est le marché de Noël, on a quand même le droit de manger des grillades. Il y aura du vin chaud froid. Voilà, du vin chaud glacé aussi, petite originalité. Donc pas mal de choses à découvrir, je peux pas citer les 50 exposants évidemment, mais j'espère que ceux que j'ai oubliés m'en voudront pas trop. Qui c'est qui s'occupe de tout ça, la buvette, c'est les bénévoles ? Alors, la buvette, c'est moi-même qui m'en occupe. Je suis brasseur, donc il y a deux types de buvettes. Il y a la buvette pour l'association qui va distribuer des softs, donc limonade artisanale, jus de fruits artisanaux et ainsi de suite. Et donc, il y a de la brasserie. Et ça sera quoi comme bière? Est-ce que ça sera de la blanche, de la brune, de l'ambrée? Alors, il y aura de la bière ambrée d'hiver, parce qu'on est quand même un petit peu au 15 août. Il y aura de la blanche et de la blonde. Et comment ça se met en place un tel événement? Je suppose que ça demande pas mal de temps pour faire tout ça. Alors pour les premières éditions, parce qu'on n'est pas à notre coup d'essai, c'est la deuxième fois qu'on fait le marché de Noël le 15 août, mais avant on organisait un marché qui s'appelait les charmoiseries, et du coup on commence à se roder, en fait au fur et à mesure du temps, on reprend ce qui a marché de l'année dernière et on le transpose sur l'année suivante. On va dire qu'aujourd'hui c'est à peu près 8-9 réunions dans l'année pour caler un petit peu tout ça, faire le planning des bénévoles, ça se fait assez simplement finalement. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire après cette manifestation ? Alors, prendre un peu de repos, déjà, je pense, et on fera peut-être avec l'association des amis de l'école de Charmois un véritable marché de Noël, même si celui qu'on va faire est un véritable marché de Noël, mais cette fois-ci, on le mettra à la bonne date. Voilà, on va essayer de le mettre courant du mois de décembre, sans pour parler, pour le moment. Oui, parce que j'imagine, en été, ça va être compliqué pour mettre une patinoire en place. Là, d'un point de vue environnemental, oui, c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps, mais ça peut se faire, ça peut se faire. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Alors oui, on pourra nous retrouver notamment sur Facebook. Il faut taper les charmoiseries Charmois l'Orgueilleux et vous trouverez la liste des exposants, les différents horaires et un petit peu de notre activité annuelle. Et quels sont vos futurs projets avec l'association? Alors tout dépend de comment va se passer le Noël du 15 août et on fera sûrement une troisième édition. Voilà, je pense qu'on est bien parti pour essayer de pérenniser cette date du 15 août parce que ça nous permet d'avoir une journée complète avant pour pouvoir préparer. Donc ça peut être intéressant de continuer sur cette voie-là. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors que le Covid ne revienne pas. Ah oui, ça. Alors, pour la suite, que ça continue de cette manière-là. On a des bénévoles qui sont bien engagés. On a un bureau qui est stable. Donc on ne veut pas trop grossir. Si on fait un à deux événements par an, c'est très très bien. Donc ça reste sur cette lancée, voilà, restons sur de la stabilité, c'est le mieux qu'on peut nous souhaiter. Cette interview est maintenant terminée, Thomas, merci d'avoir été avec nous. Eh bien merci du temps que vous m'avez accordé, et puis bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie et que de nombreux visiteurs iront voir le marché de Noël au mois d'août qui se déroulera le mardi 15 août sur la place du village à Charmois-l'Orgueilleux de 10h à 18h. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée, c'était Laura, bye tout le monde.